إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حياكم الله mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui le lundi 18 Ramadan 1441 correspondant au 11 mai 2020, nous nous retrouvons pour continuer notre lecture dans le livre de l'imam Ismaïl ibn Kathir al-Dimashqi al-Qurashi rahimahullah, qui est décédé en l'an 774 de l'Hégire. Et le livre sur lequel nous nous basons dans cette sira, c'est Al-Fusul fi Sirati Ar-Rasul. Et comme on a vu, c'est un livre concis et c'est un livre extrêmement riche, comme vous avez pu le constater jusqu'à ce qu'on a étudié aujourd'hui. Et je disais qu'on allait finir de parler de la bataille de Badr, la plus grande bataille et la plus importante de toutes les batailles de l'islam, qui a eu lieu dans l'année 2 de l'Hégire, dans le 17 Ramadan de l'année 2 de l'Hégire. La bataille de Badr, qui a été nommée également le jour du discernement, car c'est le jour dans lequel Allah a discerné entre la vérité et le faux, la foi et la mécréance, la guidée et l'égarement. Et c'est le jour dans lequel Allah Azzawajal a vaincu, a écrasé ses ennemis parmi Kuffar Quraysh. Et dans ce jour-là, sont tombés la plupart des têtes de la mécréance. La plupart des têtes de la mécréance. Donc nous avons vu que cette bataille, Nabi Isa alayhi salam ne s'est pas beaucoup préparé et il est sorti avec les compagnons qui étaient présents et dont les montures étaient également présents. Et ils sont sortis entre 313 et 319 hommes. Radiallahu anhum. Entre 82 et 86 parmi les émigrés, 61 parmi l'Aous et 70 parmi Al-Khazraj. Et ils ont rencontré leurs ennemis, Quraysh, que eux, ils sont sortis extrêmement bien armés et préparés pour ce jour-là. Et ils sont sortis avec énormément, yani plus d'une centaine de chevaux et énormément de chameaux, et en nombre ils étaient 1300 à leur sortie. Et comme on a vu, une partie a fait demi-tour une fois que la caravane a été sauvée, et Abu Jahl a décidé de continuer sa route vers Badr et de défier le messager alayhi salatu wassalam, et Allah azza wa jal a voulu autre chose. Donc Kuffar Quraysh sont arrivés dans leurs armatures, leur force, toute leur force, leur orgueil et fierté, en défiant Allah et en défiant son messager alayhi salatu wassalam. Et on a vu également que la veille de cette bataille, Al-Nabi alayhi salam, il a passé toute la nuit dans l'imploration et l'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il l'a tellement invoqué, alayhi salatu wassalam, que son vêtement supérieur est tombé, car il levait tellement les mains et il pleurait tellement, alayhi salatu wassalam, et il suppliait Allah, il l'implorait de lui accorder la victoire à lui ainsi qu'à ses compagnons. Et parmi ce qu'il disait, il disait, oh Allah, si jamais ce groupe est vaincu aujourd'hui, tu ne seras plus jamais adoré sur terre. Tu ne seras plus jamais adoré sur terre. Et il a dit d'autres invocations également dans le même sens. Et j'ai vu une faïda précieuse qu'a dit Al-Hafidh ibn Hajar rahimahullah dans Fath al-Bari, quand il a parlé de cette scène qui a eu lieu entre Abu Bakr et le prophète alayhi salatu wassalam. Abu Bakr radiallahu anhu, quand le vêtement supérieur du prophète alayhi salatu wassalam, al-rida, est tombé, il est venu, il l'a remis en place. Il a dit au messager d'Allah, t'as insisté dans ton imploration d'Allah et t'as beaucoup invoqué. Allah t'accordera la victoire et accomplira pour toi sa promesse. Al-Hafidh rahimahullah a précisé que le Nabi alayhi salatu wassalam a insisté dans l'invocation à ce point-là, tellement il avait de pitié et de rahma et de miséricorde vis-à-vis de ses compagnons. Et il voyait que leur nombre était inférieur et qu'ils n'étaient pas équipés comme Kuffar Quraysh l'était. Donc, c'est ça qui a poussé le Nabi alayhi salam à invoquer Allah de cette manière. Et aussi parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime ceux qui insistent dans l'invocation. Inna Allah yuhibbu al-abd al-milhah. Le serviteur qui invoque et qui insiste dans l'invocation. Et également, le Nabi alayhi salam a continué jusqu'à ce qu'il a vu ça de Abu Bakr. Et quand il a vu que Abu Bakr, radiallahu anhu, était serein, et son âme était apaisée et rassurée de l'accomplissement de la promesse d'Allah, il a su que ce qu'il a voulu a été atteint. Et c'est là où il a arrêté. Parce que il voulait ça pour ses compagnons, qu'ils arrivent à cette confiance et cette assurance et qui rentre dans cette bataille avec cet état d'esprit. Car les compagnons savaient que le Nabi alayhi salatu wassalam, ses invocations sont exaucées par Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc quand ils l'ont vu invoquer, et en plus insister de cette manière, ils étaient confiants, et ça les a renforcés, et ça a augmenté leur confiance et leur assurance vis-à-vis de l'accomplissement de la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et vous voyez mes frères, par rapport à ce point, yani la précision et la profondeur de la compréhension des savants. En l'occurrence ici, Al-Hafidh ibn Hajar, rahimahullah. Car d'apparence, quelqu'un peut croire que Abu Bakr était plus confiant que le Nabi alayhi salatu wassalam. C'est pour ça qu'il lui a dit, ça suffit au messager d'Allah, Allah il t'accomplira ta promesse. Mais quand tu regardes avec une compréhension telle que la compréhension des savants, radiallahu anhum, tu vois l'inverse. Subhanallah. Man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fi d-din. Celui pour qui Allah veut du bien, il lui donne la bonne compréhension dans la religion. Et le Nabi alayhi salatu wassalam également, Al-Hafidh rahimahullah a cité, il l'a rapporté de Al-Khattabi rahimahullah, l'imam Al-Khattabi. Yani que le Nabi alayhi salatu wassalam, quand il a dit tu ne seras plus jamais adoré sur terre, il l'a dit parce que alayhi salatu wassalam, il savait qu'il était le dernier des prophètes et qu'il n'y aura plus de prophète après lui jusqu'à la fin des temps. Et si jamais il est tué, lui, ainsi que ses hommes qui sont autour de lui, la da'wa peut s'estomper. Et il n'y aura plus de prophète après lui pour rappeler les gens à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le Nabi alayhi salatu wa salam, dans cette bataille, il a exclu ceux qui n'étaient pas pubères encore, parmi les compagnons, radiallahu anhum, qui se sont présentés pour participer, pour sortir dans cette ghazwa. On a Al-Bara ibn Azib, radiallahu anhum, et on a également Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab, radiallahu anhum. Les deux, le Nabi alayhi salatu wa salam, ne les a pas acceptés à cause de leur jeune âge. Ils n'étaient pas encore pubères. Et Umayr ibn Abi Waqqas, radiallahu anhu, le frère de Sa'd ibn Abi Waqqas, un des 10 annoncés au paradis. Umayr ibn Abi Waqqas, c'était un des premiers à entrer dans l'islam. C'est Abu Bakr, radiallahu anhu, qui lui a fait da'wa. Il est entré dans l'islam après son frère Sa'd. Il est entré dans l'islam en étant très très jeune. Et son frère Sa'd a veillé sur lui, radiallahu anhu. Et Umayr a fait l'émigration avec le prophète, alayhi salatu wassalam. Il avait à peu près 14 ans quand il a fait l'hijra. Et Umayr également fait partie de ceux qui se sont présentés pour sortir avec le Nabi, alayhi salatu wassalam, et que le Nabi, alayhi salatu wassalam, a recalé. Car il était encore jeune. Et Umayr s'est mis à pleurer tellement que le Nabi alayhi salatu wassalam a fini par l'accepter. Il l'a accepté, il avait 16 ans, radiallahu anhu. Il avait 16 ans, il a participé dans la bataille de Badr. Et il n'avait pas un seul poil sur le visage. Il était encore imberbe, radiallahu anhu. Wallahi, mes frères, quand vous voyez ces choses-là, ces hommes et ces enfants qui étaient très très mûrs déjà, à 11 ans, à 12 ans, tu trouves que l'un d'entre eux a des ambitions de participer dans des batailles et de mourir dans le sentier d'Allah. Et malheureusement, nous, à notre époque, tu peux trouver quelqu'un qui a la trentaine et dont, comme ils disent, dans le hobby est de collectionner les timbres, d'élever les pigeons. Et Annie, tu vois que c'est pas les mêmes ambitions, c'est pas les mêmes volontés, et c'est pas les mêmes objectifs. Qu'Allah nous fasse miséricorde, et qu'Allah nous guide vers ce qui est meilleur pour nous, ici-bas et dans l'au-delà. Et ça, c'est des choses, pourquoi on cite ça? On cite ça parce que c'est des choses sur lesquelles on doit élever nos enfants, à ce qu'ils aient des objectifs élevés, à ce qu'ils visent très haut. Et malheureusement, il y a certains parents, c'est eux qui gâchent leurs enfants. Ou bien les empêcher quand ils sont ambitieux et qu'ils ont envie de faire des choses bien, les bloquer, ou c'est eux qui vont leur proposer des choses qui font partie des futilités. Ça ne s'oppose pas avec le jeu et l'amusement dont a besoin un enfant. Et ça, subhanallah, on l'a constaté même dans notre entourage. Des enfants dont les parents les ont habitués à fréquenter les personnes âgées, les frères de les amis de leurs parents, quand c'est des salafis, bien évidemment, à force de les fréquenter et d'être avec eux dans les activités, dans les cours et dans les choses comme ça, subhanallah, tu vois que ces enfants, ils sont différents des autres. Et ils n'ont pas les mêmes centres d'intérêt. Et sans les empêcher de jouer, ils n'ont pas envie de beaucoup de jeux qu'aiment les enfants. Et tu trouves qu'ils mûrissent يعني par rapport à leur âge. Et Nabi alayhi salatu wassalam, également dans cette bataille, il a fait preuve d'excellence dans le comportement. Et parmi les points qui ont été rapportés, c'est ce qui est arrivé à Hudhayfa ibn al-Yaman, le grand compagnon du prophète alayhi salatu wassalam, son confident, et celui qui tenait ses secrets. Hudhayfa ibn al-Yaman était à Mecca avec un autre compagnon qui s'appelle Abu al-Husayl, ou Abu Husayl. Les deux ont été attrapés par Kuffar Quraysh et ils leur ont demandé s'ils voulaient aller vers le Nabi alayhi salam. Ils ont dit, on veut aller vers le Médina. Ils leur ont dit, on va vous laisser à condition, si jamais le Nabi alayhi salam il nous combat, si jamais le prophète alayhi salam nous combat, vous n'allez pas nous combattre avec lui. Et eux, ils ont dit d'accord. C'est des koufars. On va leur dire d'accord. Mais si jamais le Nabi alayhi salam mène une bataille, bien évidemment, on ne peut pas ne pas participer avec lui. Et quand le Nabi alayhi salam préparait ses hommes pour la bataille de Badr, ils se sont présentés, les deux hommes, Hudhayfa ibn al-Yaman et Abu Husayl, radiallahu anhuma. Et ils ont raconté au prophète alayhi salatu wassalam ce qui s'est passé. Et il a refusé qu'il participe avec lui. Et il leur a dit cette parole très connue. Il leur a dit, nafi lahum bi'ahdihim wa nasta'inu Allah 'alayhim. On respecte notre engagement vis-à-vis d'eux et on demande à Allah son aide contre eux. Donc il a respecté cet engagement, même si ça a été fait avec des mécréants, alayhi salatu wassalam. Et ça, c'est le comportement de l'islam et le comportement du messager de l'islam, alayhi salatu wassalam. Et parmi les points qu'on a vus également, et c'est le point auquel on s'était rendu dans le cours précédent, c'est quand on a parlé des têtes de la mécréance qui sont tombées dans cette bataille. On a vu le premier qui était Umayya ibn Khalaf. Umayya ibn Khalaf, comme je vous ai dit, c'était un ami de Sa'd ibn Mu'ad, radiallahu anhu, dans le Jahiliya, avant l'islam. Et quand Sa'd allait à Mecca, il restait chez lui. Et quand il venait, lui, Umayya, à Médine, il allait chez Sa'd, radiallahu anhu. Et un jour, Sa'd ibn Mu'ad lui a dit que le prophète, alayhi sallam, nous a dit qu'il va te tuer. Et depuis ce jour-là, il avait peur, très peur. Et il ne sortait plus dans les batailles, jusqu'à la bataille de Badr, où il voulait pas sortir, mais Abu Jahl l'a forcé. Comme je vous ai dit, c'était la fierté. Il venait et lui dit, toi, t'es le chef de ta tribu, t'es ça, et tu sors pas. Et finalement, il a accepté. Son épouse lui a dit, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu sors? Tu te rappelles pas de ce que t'as dit ton ami médinois? Il a dit, si, mais je vais les accompagner un petit peu et je fais demi-tour. Il est sorti, mais finalement, il est resté avec eux jusqu'à la bataille. Et dans la bataille, quand le Kuffar était vaincu, il s'est réfugié chez Abdurrahman ibn Auf, radiallahu anhu, un des 10 annoncés au paradis. Car il y avait un accord entre les deux avant l'islam. Et que Umayya, il protégeait les biens de Abdurrahman ibn Auf, et que Abdurrahman ibn Auf, il protégeait ses biens également. Et Umayya ibn Khalaf, quand Abdurrahman est devenu musulman, Abdurrahman ibn Auf, il s'appelait Abdu Amr avant l'islam. Et il l'a changé en Abdurrahman. Avant, il s'appelait Abd Amr. Et Umayya ibn Khalaf, il continue toujours à l'appeler Abdu Amr. mais quand il l'appelait Abd Amr, il lui répond pas, jusqu'à ce qu'il l'appelle Abd Rahman. Et un jour, il a tellement insisté, Umayya, il lui a dit, je ne répondrai pas jusqu'à ce que tu m'appelles par mon prénom. Il lui a dit, je ne connais pas qui est Rahman, parce qu'il reniait le nom d'Allah, Ar-Rahman. Il lui a dit, je vais t'appeler Abd Ilah. C'est bon? Il a dit, d'accord, Abd Ilah. Et dans le jour de Badr, il s'est réfugié chez Abd Rahman ibn Auf, en espérant sa protection. Et Abd Rahman ibn Auf voulait que ce soit comme les autres prisonniers, et qu'il paye sa rançon. Il voulait lui assurer cette chose-là. Mais Bilal ibn Abi Rabah, radiyallahu anhu, le mu'adhin du prophète, alayhi salatu wassalam, à un moment, il a aperçu Umayya ibn Khalaf. Et Umayya ibn Khalaf, bien évidemment, c'est celui qui torturait Bilal à Mecca, radiyallahu anhu. Quand il a aperçu, il s'est crié, c'est le grand ennemi d'Allah, Umayya ibn Khalaf. Et il est parti vers lui, et d'autres compagnons l'ont rejoint, et ils l'ont tué. Et Abd Rahman ibn Auf, radiyallahu anhu, voulait les repousser, mais il n'a pas réussi, et même il a été touché par l'épée d'un des compagnons. Il a eu une petite blessure. Et ils ont tué cet ennemi d'Allah. On a vu également comment le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a aligné les rangs et comment s'est déroulé ce duel entre les compagnons radiyallahu anhum. Et avant le démarrage de la bataille, après la fin du duel, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a demandé à Ali de lui donner une poignée de terre qu'il a jetée sur les mécréants. Et c'est ça la parole d'Allah. وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. Ce n'est pas toi qui l'as jeté, mais c'est Allah qui l'a jeté. C'est pas toi, lorsque tu as jeté cette poignée de terre, ce n'est pas toi qui l'as jeté, mais c'est Allah qui l'a jeté. Qu'est-ce que ça signifie ce verset? Ça signifie, quand tu as pris cette poignée de terre au messager d'Allah et que tu l'as jetée sur les koufars, c'est pas toi qui as permis que cette terre arrive dans les yeux de chacun de ces mécréants, de toute l'armée, et que ça les a handicapés et ça les a affaiblis juste avant le démarrage de la bataille. Comme l'a expliqué Cheikh Abd Rahman ibn Sa'di rahimahullah dans le tafsir, Allah dit à son prophète, c'est pas avec ta force que tu as jeté cette poignée de terre et que tu as pu atteindre leurs yeux avec, mais c'est Allah qui a permis que ça atteint les yeux des mécréants avec sa force et son omnipotence, subhanahu wa ta'ala. Parmi les points remarquables dans cette bataille, c'est l'histoire de Umayr ibn al-Humam avec ses dates, radiyallahu anhu. Ce Médinois, juste avant le début de la bataille, il a sorti quelques dates qu'il avait pour les manger, pour prendre des forces. Et il a entendu le Nabi sallallahu alayhi wa sallam encourager les Sahaba, radiyallahu anhum, et leur annoncer la bonne nouvelle d'Allah et ce qu'il a promis à ceux qui combattent dans son sentier et ceux qui tombent martyrs dans le sentier d'Allah, afin que la parole d'Allah soit la plus haute et la plus élevée. Dès qu'il a entendu ça, il a dit, ô messager d'Allah, Allah nous a promis un ciel dont la largesse est équivalente aux sept cieux et aux terres. Il a dit oui. Il a dit, alors c'est une longue vie si je reste jusqu'à manger ces dattes. Il a jeté ces dattes et il a commencé le combat et il a combattu radiyallahu anhu jusqu'à ce qu'il est tombé martyr dans cette bataille. Donc, j'ai oublié de préciser, quand j'ai parlé de Umayr ibn Abi Waqqas, il est tombé martyr dans la bataille de Badr, le frère de Sa'd, dont j'ai parlé il y a quelques instants, mais j'ai oublié de finir que il est tombé martyr dans cette bataille et c'était le plus jeune martyr dans la bataille de Badr. Il avait 16 ans, comme on l'a vu, radiyallahu anhu. Et Saad était triste pour sa mort, comme c'était son frère, il était triste pour sa mort. Également, on a vu comment les deux compagnons médinois, Mu'adh ibn Amr ibn al-Jamuh et Mu'adh ibn Afra, comment ils ont tué le grand ennemi d'Allah, le Pharaon de cette communauté, Abu Jahl. Et on a vu qu'ils étaient à droite et à gauche de Abdurrahman ibn Auf, quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam avait aligné les rangs. Et Abdurrahman, comme il l'a dit, il aurait préféré avoir deux hommes plus costauds à sa droite et à sa gauche. Mais il a vu ces jeunes, donc alhamdoulillah, mais il aurait préféré qu'il y ait des hommes plus costauds et plus forts à sa droite et à sa gauche. Et ils lui ont demandé où est-ce qu'il était l'ennemi d'Allah, Abu Jahl, qui insultait le prophète alayhi salam et qui lui faisait du mal à Mecca, et qu'ils étaient déterminés à le tuer. Et effectivement, ils l'ont tué, radiyallahu anhuma. Et par la suite, c'est Abdullah ibn Mas'ud qui est venu, il a vu Abu Jahl par terre, et c'est lui qui l'a achevé. Également, parmi les martyrs très connus dans cette bataille, Haritha ibn Suraqa, radiyallahu anhu. Haritha ibn Suraqa, ce jeune homme qui a participé dans la bataille de Badr, en étant très jeune. Il est tombé martyr également dans cette bataille, radiyallahu anhu. Et sa mère l'aimait énormément. C'est un Médinois. Sa mère l'aimait énormément. Et elle est venue voir le prophète, alayhi salatu wassalam. Elle lui a dit au messager d'Allah, « Tu sais ce qui est arrivé à Haritha ?» Il est tombé martyr. Elle lui a dit, « Alors dis-moi, s'il est dans le paradis, comme ça je le pleure pas. Je le pleure pas. Et si c'est autre chose, yani je sais ce que je vais faire. » Il a dit, « Ya Umma Haritha, ô mère de Haritha, malheur à toi, est-ce que tu penses que c'est un seul paradis ? Ce sont des paradis très nombreux. Et Haritha, il est dans le Firdaus. Il est dans le degré le plus élevé du paradis, rapporté par l'imam al-Bukhari. » On a vu le courage du prophète alayhi salatu wassalam dans cette bataille également. Et comment il était l'homme le plus proche des ennemis. Rapporté dans le Musnad, authentifié par Sheikh Ahmad Shakir rahimahullah. On a vu la participation des anges également dans cette bataille et à leur tête Jibril alayhi salam. Et on va voir le mérite des compagnons qui ont participé dans cette bataille, également le mérite des anges qui ont participé dans cette bataille. Et parmi les points remarquables, c'est l'Abbas, l'oncle du prophète alayhi salatu wassalam. Il a été capturé par un ansari qui s'appelle Abu al-Yasar, qui était petit de taille. Et l'Abbas était un homme très balèze, très costaud. Et quand Abu al-Yasar a ramené l'Abbas comme prisonnier, il a dit au messager d'Allah, c'est moi qui l'a emprisonné. C'est moi qui l'a capturé. Et l'Abbas, radiyallahu anhu, il a dit au messager d'Allah, non, c'est pas lui qui m'a attrapé. C'est un homme, et il l'a décrit. Et il a dit, cet homme qui m'a capturé, je le vois pas parmi ton armée. Et Abu al-Yasar, il persistait, il disait, ô messager d'Allah, c'est moi qui l'a attrapé. C'est moi qui l'a capturé. Le Nabi alayhi salam lui a dit, Allah t'a aidé avec un noble ange. Et dans cette bataille, les croyants, dirigés par le prophète alayhi salatu wassalam, ont tué 24 parmi les têtes de la mécréance. Ils ont tué 24 parmi les têtes de la mécréance. Et en tout, ils ont tué 70 parmi les koufars et emprisonnés 70. Donc le nombre total, c'est 140. Mais dans ces 60 qui ont été tués, 24, c'est les têtes des koufars de Quraysh. Au point qu'après la bataille, à la tête de Quraysh, il ne restait que Abu Sufyan. Et toutes les autres têtes ont été tombées ce jour-là. Et Allah subhanahu wa ta'ala, comme c'est rapporté dans l'authentique, Allah leur a redonné vie. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, bien évidemment, les a tirés tous, les 24, il les a jetés dans un puits, dans la place de Badr. Un puits qui était déjà répugnant et qui sentait mauvais, et il les a jetés dans ce puits. Et il s'est adressé à eux. Et Omar, quand il a vu que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il parlait à eux alors qu'ils sont morts, il lui a dit au messager d'Allah, tu parles à des cadavres dans lesquels il n'y a aucune âme. Il a dit, par Allah, ils m'écoutent et ils m'entendent comme tu m'entends maintenant. Qatada, rahimallah, comme c'est rapporté dans l'authentique de l'imam al-Bukhari, a dit, Allah leur a donné vie jusqu'à ce qu'ils ont entendu le messager d'Allah, alayhi wa sallam, qu'il est blâmé. Et yani, qui leur disait, est-ce que vous avez trouvé ce que vos divinités vous ont promis? Car nous avons trouvé ce que Allah nous a promis. Et le fils de un de ceux qui ont été jetés dans ce puits, Utba ibn Rabi'a, comment on a vu Utba ibn Rabi'a? C'est celui qui ne voulait pas la bataille. Mais finalement, il a participé, et il a participé même dans les duels. C'était parmi ceux qui ont participé dans les duels. Il était parmi ceux qui ont été jetés dans ce puits. Et son fils, qui était un sahabi, Abu Hudayfa, radiyallahu anhu, quand il a vu son père tirer dans ce puits, son père qui était le maître de Quraysh, Utba ibn Rabi'a et son frère Shayba ibn Rabi'a, c'était les maîtres de Quraysh. Il l'a vu tirer dans ce puits répugnant et jeté comme ça. Il a été très très attristé par cela. Et quand le Nabi alayhi salam l'a aperçu, il lui a dit, est-ce qu'il y a quelque chose? Zama, est-ce que t'es pas d'accord? Ou il y a quelque chose? Il a dit, non, messager d'Allah. Mais mon père, je voyais en lui un homme raisonnable, perspicace, intelligent, et j'espérais qu'il entrait dans l'islam. Et j'espérais qu'il devenait musulman. Mais Allah a décidé autrement. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a invoqué Allah en faveur de Abu Hudayfa. Il a invoqué Allah en faveur de Abu Hudayfa. Et auparavant, Abu Hudayfa, quand il a entendu, il lui a été rapporté, bien évidemment, il n'a pas entendu de Nabi sallallahu alayhi wa sallam directement, mais il lui a été rapporté que il fallait pas tuer tous les Banu Hashim, comme on l'a vu. Car ils sont sortis malgré eux dans cette bataille. Quand il avait entendu ça, il a dit, par Allah, nous allons les tuer tous. Tous ceux qu'on croisera, on le tuera. Y compris les Banu Hashim. Il a dit, on tue nos frères et on tue nos pères. Parce que lui, Abu Hudayfa, son frère et son père et son oncle sont tombés dans cette bataille. Et son père et son frère et son oncle, c'est les trois qui ont participé dans les duels. Il a dit, on tue nos frères et on tue nos pères. Et on tue pas l'Abbas, l'oncle du prophète, alayhi salatu wassalam. Et quand le Nabi, alayhi salatu wassalam, a su cela, il n'a pas aimé cette parole qui a été dite par Abu Hudayfa, radiyallahu anhu. Et Omar lui a dit, au messager d'Allah, il est devenu hypocrite. Laisse-moi couper sa tête. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a dit non. Il lui a dit non. Et Abu Hudayfa, radiyallahu anhu, lui-même, il disait, ça s'est rapporté avec une bonne chaîne de transmission, dans Sirah ibn Ishaq, il a dit, je ne me sens plus en sécurité et à l'abri depuis le jour où j'ai parlé avec cette parole. le jour de Badr, où il a parlé avec cette parole, et je ne cesse d'être dans la crainte, sauf si Allah m'accorde le martyr, c'est uniquement ça que je pense qui pourra être une expiation de cette parole que j'ai dit ce jour-là. Regardez comment il a regretté cette parole, radiyallahu anhu, et qu'il pensait qu'il avait besoin de beaucoup de bonnes actions, et de bonnes actions importantes dans l'islam, mais immenses, telles que le degré du martyr, et uniquement ça, espérer que ça pouvait être une expiation de cette unique parole qu'il a dit. Et effectivement, Allah Azzawajal lui a accordé le degré du martyr, et il est tombé martyr dans la bataille de l'Yamama contre les Banu Hanifa, la tribu de Musaylim al-Kadhdhab, ce menteur qui a prétendu être prophète. Faradiyallahu an Abi Hudhayfa. Et dans cette bataille, Allah Azza wa Jal a sauvé Hakim ibn Hizam. On a vu que les deux hommes parmi Quraysh qui ne voulaient pas que la bataille ait lieu, c'était Hakim ibn Hizam et Utba ibn Rabi'a. Utba ibn Rabi'a, il était parmi les premiers tués dans la bataille. Il était parmi les premiers tués dans cette bataille. Et Hakim ibn Hizam, Allah Azza wa Jal l'a sauvé dans cette bataille. Il n'a pas été tué. Et par la suite, il est entré dans l'islam plus tard. Et Hakim ibn Hizam, radiyallahu anhu, quand il jurait par Allah, il disait, par celui qui m'a sauvé le jour de Badr. Car s'il serait mort dans cette bataille, il serait mort dans la mécréance. Et il remercie Allah énormément pour l'avoir sauvé dans cette bataille, et que par la suite, il a ouvert sa poitrine pour l'acceptation de l'islam. Et Hakim ibn Hizam, il a vécu 120 ans. 60 avant l'islam et 60 dans l'islam. Radiyallahu anhu. Parmi les mécréants qui sont tombés dans cette bataille et dont Nabi alayhi salatu wa salam a déterminé les lieux dans lesquels ils vont être tués, Abu Jahl, Amr ibn Hisham, il dit à Ibn Kathir qu'Allah le maudisse, il a été tué par Mu'ad ibn Amr ibn al-Jamouh et Mu'awid ibn Afra, comme on a vu. Et celui qui l'a achevé, c'est Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Il a coupé sa tête. Il l'a ramené au prophète alayhi salatu wa salam. Yani pour lui montrer, yani qu'il était mort. Également, Utba et Shayba, les deux fils de Rabi'a. Et le fils de Utba, qui est le Walid. Et Umayya ibn Khalaf, l'ami de Sa'd ibn Mu'ad, qu'on a vu. Et dont 24 parmi les têtes de la mécréance, ils étaient jetés dans ce puits. Ils étaient jetés dans ce puits. Et Nabi alayhi salam, parmi ce qu'il leur a dit, il leur a dit, quel mauvais clan vous étiez pour moi, une fois qu'ils les ont jetés dans le puits. Et quelle mauvaise tribu vous étiez pour votre prophète, alayhi salam. Vous m'avez démenti quand les gens m'ont cru. Et vous m'avez délaissé, abandonné quand les gens m'ont porté secours. Et vous m'avez fait sortir de Mecca quand les gens m'ont abrité. Et Nabi alayhi salam, il avait pour habitude, à la fin d'une bataille, bien évidemment ça c'est la première bataille dans laquelle il y a eu le combat. Et Nabi alayhi salam, il avait pour habitude de rester 3 jours. Il est resté 3 jours dans la place de Badr après la fin de la bataille. Après la fin de la bataille, il est resté 3 jours. Et ensuite, il a demandé à ce que tout le monde se prépare pour le voyage vers Al-Madina, le voyage retour vers Al-Madina. et ils sont partis avec les prisonniers de guerre et avec tous les butins qu'Allah Azza wa Jalla leur a accordés dans cette bataille. Et pour les butins, c'était interdit pour les prophètes d'avant. Et ça, c'est parmi les particularités du prophète alayhi salatu wa salam, comme on va voir dans la deuxième partie de ce livre. C'est que Allah Azza wa Jalla a autorisé le butin pour le prophète alayhi salatu wa salam. Il ne l'avait autorisé à aucun prophète avant lui. Les prophètes d'avant, quand ils avaient un butin de guerre, ils le regroupaient et ils le brûlaient. Et ça a été autorisé pour le prophète alayhi salatu wa salam et pour la communauté de l'islam. Les musulmans. Allah Azza wa Jalla. Et le Nabi alayhi salam a désigné Abdullah ibn Ka'b comme responsable des prisonniers et de ce butin. Et Allah Azza wa Jalla a révélé au sujet de cette bataille et aussi au sujet du butin et comment le partager, il a révélé sourate Al-Anfal, comme on a vu cette sourate qui a été dédiée exclusivement à la bataille de Badr. Ça fait partie des grandes sourates du Coran. Et sourate qui a été révélée en une fois, c'est sourate Al-An'am et non pas sourate Al-Anfal. Cette sourate, sourate Al-Anfal, certains parmi les compagnons l'appelaient la sourate de Badr et d'autres l'appelaient la sourate de Al-Furqan, du discernement, et d'autres l'appelaient la sourate de la bataille et la sourate du combat, car c'est le premier combat dans l'islam. Et quand Nabi alayhi salam est arrivé à un endroit qui s'appelle Safra, et cet endroit on l'a vu précédemment, c'est un endroit qui se trouve à l'ouest de l'Madina. Il s'est approché de l'Madina à un endroit qui s'appelle Safra. Il a partagé les butins entre les hommes de cette armée comme Allah lui a ordonné. Il a partagé le butin comme Allah lui a ordonné. Et Ibn Hazm rahimahullah a dit que Nabi alayhi salam a gardé une part de ce butin à Uthman ibn Affan, qui n'a pas pu participer dans la bataille. Lui, Usama ibn Zayd, radiyallahu anhuma, ils avaient une excuse valable. Donc il leur a donné leur part dans le butin comme s'ils avaient participé. Ibn Hazm a cité sept autres compagnons qui ont bénéficié de ça également. Et quand Nabi alayhi salam est arrivé à cet endroit qui s'appelle Safra, il a ordonné à ce qu'on tue An-Nadr ibn al-Harith. An-Nadr ibn al-Harith, c'est un des pires ennemis de Nabi alayhi salam à Mecca. C'était un poète qui faisait énormément de mal au prophète alayhi salam avec sa langue et sa poésie et aussi avec sa main. Et c'est lui, cet homme, une fois quand Nabi alayhi salam est prié devant le Kaaba, il est venu avec les intestins et les excréments du chameau et le sang du chameau. Il a attendu que Nabi alayhi salam se mette dans la position de prosternation et il les a placés entre ses deux épaules, alayhi salatu wa salam. Il était assis avec d'autres kuffars parmi Quraysh, yani sept autres parmi les têtes de kuffars de Quraysh. Ils étaient assis et ils voyaient Nabi alayhi salam prier. Et quelqu'un parmi eux, c'est Abu Jahl. Il a dit, vous voyez cet homme qui fait de l'ostentation, il vient devant le Kaaba, il veut prier. Et ce Nadr ibn al-Harith, le plus malheureux des sept, donc là, c'est Nadr ibn al-Harith. Le Nabi alayhi salam, je disais, il a ordonné de le tuer parce que c'était un homme qui faisait beaucoup de mal au prophète alayhi salatu wassalam avec sa langue et avec sa main. Et le deuxième qu'il a ordonné de tuer, c'est Uqba ibn Abi Mu'ayr. Et c'est lui qui a ramené les intestins et le sang et les excréments du chameau et il les a mis sur le dos du prophète alayhi salatu wassalam pendant qu'il était en prosternation. Il était en compagnie de sept autres hommes. Et lui, c'était le plus malheureux d'entre eux. Et parmi les sept hommes, il y avait Abu Jahl. Et de toute manière, tous ils étaient tués dans la bataille de Badr. C'est sept. Le Nabi Issa salam a invoqué Allah contre eux. Et ils étaient tous tués dans la bataille de Badr. Et cet ennemi d'Allah, Uqba ibn Abi Mu'ayd, il a pris ces choses-là, il les a mis sur le dos du prophète alayhi salatu wassalam. Et le Nabi Issa salam n'a pas bougé. Il a continué dans sa prosternation jusqu'à sa fille, Fatima radiallahu anha, qui était encore très très jeune. Elle est venue, elle a retiré tout ça du dos du prophète alayhi salatu wassalam, et elle a nettoyé son dos, et elle a commencé à les insulter, radiallahu anha. Et cet homme, Uqba ibn Mu'ayd, également, Uqba ibn Abi Mu'ayd, un jour, il a voulu étrangler le prophète alayhi salatu wassalam. Pendant que le Nabi alayhi salatu wassalam y priait devant le Kaaba, encore une autre fois, il est venu, il l'a attrapé par son vêtement, il a voulu l'étrangler. Jusqu'à ce que Abu Bakr est intervenu, radiallahu anhu, il l'a repoussé, il leur a dit, vous voulez tuer un homme qui dit mon Seigneur est Allah? أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهِ. Et donc tous ces ennemis d'Allah ont été tués ce jour-là. Et Uqba ibn Abi Mu'ayd et Nadr ibn al-Harith, ils étaient tués à cet endroit qui s'appelle As-Safra. Yani l'un après l'autre. Nadr ibn al-Harith, c'est le premier, et ils ont parcouru une petite distance encore. Et le Nabi Issa salam a ordonné de tuer Uqba ibn Abi Mu'ayd également. Et là, il y a eu un événement très important. C'est celui-là que je vais vous citer maintenant. C'est au sujet du butin de guerre et des prisonniers de guerre. Que faire de ces prisonniers de guerre? Le Nabi Issa salam a consulté Omar. Il a dit, on les tue. Il a dit même, chacun y prend celui qui est proche de lui dans la famille, il le tue. Abu Bakr radiallahu anhu a dit, on leur demande une rançon. Car c'est quand même des gens de nos familles. C'est quand même des gens de nos familles, donc on leur demande une rançon. Et le Nabi alayhi salatu wassalam a aimé la proposition de Abu Bakr et a préféré la proposition de Abu Bakr radiallahu anhu et a penché plus vers la proposition de Abu Bakr que ce qu'a proposé Omar radiallahu anhu. Et effectivement, c'est ce qui a été fait, et Allah subhanahu wa ta'ala a reproché ce choix à son noble prophète alayhi salatu wassalam. Et comme il n'y avait pas une législation auparavant, et comme c'était un effort de la part du prophète alayhi salatu wassalam et de ses compagnons, donc ça sera pour les prochaines fois. Et dans les versets d'Allah Azza wa Jalla dit, ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. Dans le sens approximatif de ce verset, Allah dit, il n'incombe pas à un prophète de faire des prisonniers tant qu'il ne s'est pas affirmé en vainqueur sur terre. Vous voulez les biens éphémères de ce bas monde, et Allah veut l'autre monde. Allah est tout puissant et sage. Allah est tout puissant et sage. Et il a été rapporté par Al-Hakim et authentifié par lui-même et par l'imam Al-Dhahabi que le Nabi Issa salam a dit à Abu Bakr par la suite radiallahu anhu, il lui a dit, on a failli être touché par une épreuve et par une catastrophe en ayant pris autre avis que le tien. Et Nabi alayhi salatu wa sallam a exigé de chaque prisonnier, il a exigé 4000 dirhams. 4000 dirhams. Et l'Abbas radiallahu anhu également, il lui a été exigé également une rançon, et certains parmi les compagnons, parmi les Médinois, ils ont dit, on va lui pardonner, on va rien prendre de lui, car c'est l'angle du prophète alayhi salatu wassalam. Et le Nabi alayhi salatu wassalam n'a pas accepté cela. Et il a juré qu'ils ne doivent pas lui laisser un dirham de sa rançon. Et effectivement, ils ont pris de lui sa rançon complète, radiallahu anhum tous. Et vous voyez que ça, c'est pas comme la scène qu'on a vue précédemment, dans laquelle Nabi alayhi sallam a dit de ne tuer personne parmi les Banu Hashim, parce qu'ils sont sortis sous la contrainte. Mais ici, quand il s'agit de rançon, chose qui est un droit pour les musulmans, et pour qu'on pense pas que le Nabi alayhi sallam favorise les membres de sa famille, il n'a pas accepté, même si c'est venu de ses compagnons eux-mêmes qui ont fait cette proposition. Et ils l'ont fait, avec un argument. Et l'argument, c'était que l'Abbas faisait partie de leur famille aux Médinois. Si vous vous rappelez, Hashim a épousé une Médinoise. Donc ils ont dit, on est ses oncles maternels. Donc on ne prend pas de lui de rançon. Mais malgré ça, Nabi alayhi salam a fermé cette porte et leur a demandé de prendre la totalité de la rançon. Comment Kuffar Quraysh ont accueilli la nouvelle de la défaite? Comment Kuffar Quraysh ont accueilli la nouvelle de la défaite? Par rapport à ça, il y a un hadith qui a été rapporté par Ibn Ishaq dans Sira, que je vais vous lire. Donc c'est que le premier homme qui est arrivé à Mecca, il s'appelle Al-Haythuman ibn Abdillah al-Khuza'i. C'est le premier homme qui est revenu suite à la bataille de Badr à Mecca. Et ils lui ont dit, qu'est-ce qu'il y a? Il a dit, les têtes de Quraysh ont été tuées dans la bataille de Badr. Il a dit, je les ai vus tuer tous, Utba, Shayba, Abu Jahl, Umayy ibn Khalaf. Il a cité plusieurs. Bien évidemment, lui, il n'a pas dit Abu Jahl, il a dit Abu al-Hakam ibn Hisham. Abu Jahl, c'est le Nabi alayhi sallam qui l'appelle comme ça. Et quand Safwan ibn Umayya, le fils de Umayy ibn Khalaf, quand il a entendu ça, et notez bien aussi que Safwan ibn Umayya, c'est l'associateur duquel Nabi alayhi sallam acceptera l'aide dans la bataille de Hunayn. Il a prêté aux musulmans des armes et des montures. Donc, Safwan ibn Umayya, quand il a entendu ça, il a dit, demandez-lui à mon sujet, est-ce qu'il m'a vu tuer également dans la bataille de Badr? Si c'est un fou, il va vous dire oui. Et quand ils lui ont posé la question au sujet de Safwan ibn Umayya, il a dit non, je l'ai vu à côté de l'Kaaba, à côté de l'Hijr. Mais par contre, par Allah, j'ai vu son père et son frère tué dans la bataille. Et là, ils ont compris que cet homme ne raconte pas n'importe quoi et que, effectivement, Kuffar Quraysh ont été vaincus et leurs têtes ont été tuées. Il y a une histoire de Umayr, un homme qui s'appelle Umayr ibn Wahb. Umayr ibn Wahb al-Jumahi, un grand ami de Safwan ibn Umayya, qu'on vient de voir à l'instant. Un homme qui était décrit pour être un grand shaytan. Et parmi ceux qui faisaient le plus de mal au prophète alayhi salatu wassalam à Mecca. Umayr ibn Wahb, qui était à Mecca, qui n'a pas participé dans la bataille, quand il a appris la nouvelle de la défaite de Quraysh et que les têtes ont été tuées et que son fils était pris prisonnier, il buvait l'alcool avec sa femme Umayya, et il lui a dit, quelle vie après la mort de tous ces hommes? Quelle est la valeur de la vie? Ça sert à quoi de continuer à vivre après la mort de ces hommes? Il parlait des têtes de Quraysh. Il lui a dit, Safwan, oui, t'as raison. Et après, Umayr a dit, si seulement je n'avais personne pour veiller sur mes enfants et pour prendre soin d'eux après mon départ, je serais parti vers le Medina pour tuer Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et Safwan, Umayya, bien évidemment, avec cette grande haine et fureur contre le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, son père, son frère également sont tués. Il a dit, alors, sache que ta famille, ils seront comme si tu étais présent et même mieux. Et je m'occuperai d'eux, ils ne manqueront de rien. Jusqu'à ce que tu reviennes, et même si tu meurs, je continuerai même après ta mort. Et là, il a dit d'accord. Il a préparé son épée, Hada Umayr ibn Wahb. Il a préparé son épée, et il est parti vers le Médina. Et il a mis du poison dans l'épée. Et il est parti à Médine. Et ça, il le faisait quand il voulait, yani, que la personne meurt dans tous les cas, même s'il le touche un tout petit peu. Il est parti vers le Médina. Quand Omar ibn al-Khattab l'a aperçu, il a dit, grand ennemi d'Allah, Umayr ibn Wahb, il n'est venu que pour un mal. Il n'est venu que pour un mal. Et il avait son épée sur lui, Umayr ibn Wahb. Et la corde avec laquelle, ou la ceinture avec laquelle ils accrochaient les épées était sur son dos. Quand Umar radiallahu anhu l'a vu, il s'est précipité vers lui et il l'a comme étranglé avec cette corde afin qu'il puisse pas accéder à son épée rapidement. Il a averti les Ansar, il leur a dit, soyez en garde contre cet homme. Il est venu très certainement pour un mal. Et quand Umayr est entré chez le prophète alayhi salatu wa salam, Umar radiallahu anhu lui a dit, au messager d'Allah, ça c'est le grand ennemi d'Allah, Umayr ibn Wahb, il est venu avec son épée pour l'avertir aussi. Il lui a dit, laisse-le entrer. Il est entré et Umar l'étranglait toujours avec son épée. Il lui a dit, laisse-le, yani laisse même son épée. Et Umayr s'est assis devant le prophète alayhi salatu wa salam. Et il a dit, le prophète alayhi salatu wa salam lui a dit, rapproche-toi de moi, plus. Il s'est rapproché. Et Umayr a commencé par dire, bonne journée. Le Nabi alayhi salam lui a dit, Allah nous a remplacé cette salutation par meilleur, par salam alaykum. Il lui a dit, tu la disais, il y a peu de temps. Avant l'islam, toi aussi tu la disais. Il lui a dit, Allah nous l'a remplacé par meilleur, par la salutation des gens du paradis. Assalamu alaykum. Et ensuite, Nabi Isa salam lui a dit, pourquoi t'es venu? Il lui a dit, je suis venu pour payer la rançon de mon fils que vous avez pris en prisonnier. Nabi Isa salam lui a dit, pourquoi tu viens avec cette épée si tu viens juste pour payer la rançon de ton fils? Il lui a dit, tu sais, yani, les épées, on peut pas s'en passer. Il a commencé à dire des choses comme ça. Il lui a dit, dis-moi la vérité, ya Umayr, Nabi Isa salam. Il lui a dit, je suis venu que pour ça. C'est ça la vérité. Et ensuite, Nabi Isa salam lui a raconté la scène qui s'est déroulée entre lui et Safwan ibn Umayya à Mecca. Exactement comme elle est. Il lui a dit, t'es venu pour ça, il t'a dit à Safwan ça et ça, il t'a dit ça et ça. Il lui a dit au messager d'Allah, je témoigne que t'es le messager d'Allah. On croyait que tu mentais vis-à-vis de ce que Allah te révélait, mais là c'est quelque chose qui a eu lieu entre moi et Safwan, auquel personne n'a assisté, que personne n'est au courant de ce qui s'est passé. Et il est devenu musulman ainsi, radiyallahu anhu. Et Nabi alayhi salam a ordonné aux compagnons de s'occuper de lui et de lui enseigner le Coran et de libérer son prisonnier gratuitement. Et quand Safwan a appris cela, il a juré de ne jamais adresser la parole à Umayr ibn Wahb. De ne jamais adresser la parole à Umayr ibn Wahb. Les prisonniers qui ne pouvaient pas payer une rançon, Nabi alayhi salam leur a demandé d'enseigner aux enfants des musulmans l'écriture et la lecture et que leur rançon sera cet enseignement. Et pour finir, on va parler du mérite, comme je vous ai promis, le mérite de ceux qui ont participé dans la bataille de Badr. Dans l'authentique de l'imam al-Bukhari, selon Rifa'a ibn Rafi'a radiyallahu anhu, il a dit, Jibril alayhi salam est venu voir le prophète alayhi salam, il lui a dit, comment vous considérez ceux qui ont participé dans la bataille de Badr parmi vous? Le Nabi alayhi salam a dit, on les considère comme les meilleurs des musulmans. Et Jibril alayhi salam lui a dit à son tour, nous également les anges, on considère les anges qui ont participé dans la bataille de Badr les meilleurs des anges. Donc les meilleurs des anges et des humains et des hommes de cette communauté, c'est ceux qui ont participé dans la bataille de Badr. Dans un hadith selon Ali radiallahu anhu, également dans l'authentique de l'imam al-Bukhari, le prophète alayhi salam a dit, Allah a regardé les gens de Badr, c'est-à-dire ceux qui ont participé dans la bataille de Badr. Et il leur a dit, faites ce que vous voulez, je vous ai tout pardonné et vous aurez le paradis. Et ça c'est dans l'histoire de Hatib ibn Abi Balta'a radiallahu anhu, que peut-être nous allons voir dans la sira, si l'imam ibn Kathir l'évoque. Donc, également rapporté dans l'authentique de l'imam muslim, le Nabi alayhi salam a dit, il n'ira pas en enfer un homme qui a participé dans la bataille de Badr et ceux qui ont participé dans le pacte de l'Hudaybiya que nous allons voir, inshallah. Donc c'est des hommes qui ne vont pas au paradis, en enfer, afwan, qui ne vont pas en enfer. Quelqu'un peut dire, si un homme parmi les hommes de Badr tombe dans l'associationnisme ou apostasie, est-ce qu'il rentre dans ces hadiths? Il n'y a rien qui te sauve de l'éternité en enfer si jamais tu meurs sur la mécréance. Et si jamais la personne apostasie, et si jamais la personne tombe dans le grand associationnisme, ni que tu sois parmi les gens de Badr, ni autre. Mais Allah savait que tous ces hommes ne tomberaient jamais dans quelque chose qui les fera sortir de l'islam. Et ils mourront sur l'islam. Et si jamais ils ont un péché, alors ça sera yani, expié par les grandes bonnes actions qu'ils ont faites, ces hommes. Et Allah Azza wa Jal leur a pardonné. Subhanahu wa ta'ala. Ensuite, l'imam ibn Kathir, il a terminé la bataille de Badr avec les noms de ceux qui ont participé dans cette bataille parmi les musulmans. Comme on a vu, 300 et quelques hommes ont participé dans cette bataille. 86, il dit l'imam ibn Kathir, 86 parmi les émigrés, 61 parmi l'Aous et 170 parmi Al-Khazraj. Et il a cité la raison pour laquelle l'Aous était moins nombreux que le Khazraj. Comme on a vu, c'est à cause de leur lieu d'habitation. Ils habitaient plus loin. Et Nabi alayhi salam n'a pas autorisé à ce qu'on aille chercher la monture. Donc, ceux qui étaient présents et prêts seulement sont sortis. Malgré que l'Aous qui sont sortis en petit nombre dans cette bataille, ils étaient plus connus pour les batailles et leur force et leur détermination et leur ardeur que le Khazraj. Radiallahu anhum tous. Et les savants de la biographie ont beaucoup divergé, que ce soit sur le nombre de ceux qui ont participé dans la bataille de Badr, également sur leur nom. Sur leur nom. Et Ibn Hazm, rahimallah, dans son livre de la biographie, il a cité tous les noms. Il a cité tous les noms. Et il a dit que 8, malgré qu'ils n'ont pas participé, mais ils ont eu la même récompense que ceux qui ont participé. Et parmi les 8, il a cité Uthman radiallahu anhu, Talha wa Sa'id ibn Zayd. Ils avaient des excuses valables. Par contre, les mécréants, ils étaient entre 900 et 1000, comme l'a dit le prophète alayhi salatu wa salam. Dans une autre version, il a dit 1000. Il a dit 1000. Et il a été tué parmi les musulmans dans cette bataille 14 hommes. 6 parmi les émigrés et 6 parmi le Khazraj et 2 parmi l'Aous. Et le premier qui est tombé martyr dans cette bataille dans les rangs des musulmans, c'est un homme qui s'appelle Mihja, un allié par affranchissement à Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu. Et ça a été dit que le premier qui est tombé martyr dans les rangs des musulmans, c'est Haritha ibn Suraqa, l'homme qu'on a vu, qui était jeune. Et que Nabi sallallahu alayhi wa sallam a informé qu'il était dans le Firdaus al-A'la, dans le Firdaus Afon, le degré le plus élevé du paradis. Et parmi les associateurs ont été tués dans cette bataille 70. 70. Et pris comme prisonniers également 70. Et Nabi alayhi sallallahu alayhi wa sallam a fini avec la bataille de Badr de manière définitive dans le début du mois de Shawwal. Vers le début du mois de Shawwal. La bataille a démarré le 17 Ramadan. Et ils ont fini avec les prisonniers et le butin et le partage, tout ça, dans le début du mois de Shawwal. Voilà, par rapport à cette bataille. Et même si vous constatez qu'on a cité pas mal de détails concernant la bataille, c'est pour son importance. Et comme ces batailles dans l'islam, il n'y en a pas beaucoup. C'est pour ça les autres batailles, on va les passer rapidement. Mais les batailles sur lesquelles on s'attardera, c'est celle-là à Badr, également la bataille de Uhud, la deuxième grande bataille plus importante dans l'islam, qui va avoir lieu une année plus tard, et également la bataille de l'Khandaq, des tranchées, ou appelée également la bataille des coalisés. Et pourquoi ces batailles ont eu beaucoup d'importance? Parce que c'était des batailles contre Quraysh. Et c'est la fin de Quraysh avec ces batailles-là. Et le reste, ça sera avec d'autres tribus, ou avec les Romains, ou avec des tribus qui ont beaucoup moins d'importance. Et quand Quraysh va se soumettre à la volonté d'Allah Azzawajal, tous les Arabes vont suivre. Tous les Arabes vont suivre dans leur majorité. Voilà pour aujourd'hui. هذا والله تعالى أعلى وأعلم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته